prise. J'en défilais, ça va tomber. Jamais je n'abdique, ni me démoralise. Je suis quand même, je veux qu'on m'aime. Je ne ferai plus d'efforts pour sculpter mon corps, j'arrête de sport. Je ne ferai plus d'efforts pour sculpter mon corps, j'arrête de sport. Si le physique leur est indifférent, la beauté d'âme, c'est très important. Presque biblique, que m'en j'applique. Dorénavant, ce qu'on me demande. Je ne ferai plus d'efforts pour sculpter mon corps, j'arrête le sport. Je ne ferai plus d'efforts pour sculpter mon corps, j'arrête le sport. Systématique, que manger vite avec les filles, tous les succès. Je revendique pour l'occasion les mêmes droits. Je ne ferai plus d'efforts pour sculpter mon corps, j'arrête le sport. Je ne ferai plus d'efforts pour sculpter mon corps, j'arrête le sport.